seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Joule. Passez une bonne soirée, bienvenue dans Planète Rap Joule. Et là, tous les soirs de la semaine, comment va? Alors, ça va ou quoi? Bah et toi surtout? Ça va, pépère. Cette vie parisienne? Ouais, ça va bien, bien. Ça va, pas trop épuisant? Un peu. Un peu là? Ouais. Bon, c'est la deuxième soirée, ça va tenir? Ouais, t'inquiète, je t'en fais, on est là. Jusqu'à vendredi? Bien sûr. Entre 20h et 21h avec toute l'équipe qui t'accompagne, la Liga One et puis d'autres amis aussi. La Liga One avec ses artistes. Liga One, c'est le label, hein? Voilà, c'est le label, Liga One. Il y a les artistes, il y a Kamikaze, Khalif, le groupe Ghetto Phénomène, Vizi, Wari, Bilka. Bon, il y a Friz qui est en prison, une grosse dédicace à lui. Et voilà. Il y a toi. Manes aussi. Et il y a toi aussi. Ouais, y a moi. Avec l'album qui est dans les bacs depuis hier, ça se porte bien, hein? Ouais, ouais. T'as vu, c'est... Ouais, je suis content. Hein. Ça continue. Mmh. Tant numéro mieux. 1 des ventes, Joule est là avec nous tous les soirs entre 20 et 21. Abdel est au platine aussi, on le salue. DJ Abdel, comment va? Ça va et toi? Oui, on peut faire du bruit pour Abdel en effet. Merci. Abdel qui a dû te bercer pareil, hein, toi aussi il t'a bercé avec ses sons, Joule, forcément. Tu écoutais ses compiles, les compiles de DJ Abdel, hein Joule? Hein? Ouais. Bien sûr, bien sûr. T'es perdu au bout bien des sûr, minutes. Bien sûr, oui, j'écoutais. bien sûr. Qui n'a pas écouté? Et il y a un son qui est produit sur l'album, ton album, qui vient de sortir. Voilà, c'est Je m'évade. Qu'on a passé hier soir dans l'émission. C'est ça. Avant d'attaquer avec le premier morceau extrait de ton album, ouais. On va se rappeler ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. C'est parti, c'est le replay de hier. Remonte le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. C'est reparti pour une nouvelle semaine avec Monsieur Joule qui est là de retour dans Planète Rap. Tu veux nous taire, tu flottes. On partage, mais tu veux tout croque. Mais pourquoi tu me fais le gros? Alors, ça va ou quoi? Bah, et toi? Ça va, peut-être. J'ai envie de te dire, cette journée, est-ce que tu as vu la place que tu occupes? C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut, directement numéro 1. Ce matin, tu te réveilles, tu regardes, bim. Joule, je trouve pas le sommeil. Voilà, bim dans la tête. Je trouve pas le sommeil, j'en ai mal à la tête. On récolte ce que l'on sème. C'est la même, je vois les jours qui se répètent. Je trouve pas le sommeil, j'en ai mal à la tête. On récolte ce que l'on sème. C'est la même, je vois les jours qui se répètent. Planète Rap. Les critiques qui visent ton rap te donnent encore plus envie de continuer. Vrai ou faux? Vrai. Voilà, je suis là, je suis en ND. Je fais des disques d'or, des disques de platine. Tout ça, et ça me critique. Voilà. Bah, en même temps, c'est un peu le revers de la médaille. Voilà, après, c'est avec, on m'a dit qu'avec le succès. Bah oui, généralement. Les jaloux se multiplient. Ils sont beaucoup multipliés. Mais c'est pas grave, ils me font le buzz. Planète Rap. Ils sont un jour à jeu, bande d'enfoirés. C'est la crise au mic, mec. Planète Rap. C'est la une, t'as la traîne, je fais des thunes, je fais de la peine. Je te dors sans études, l'industrie, j'ai la ken. Look at me now, pourquoi tu t'énerves? J'ai une dégaine des civils, rien que ton look m'énerve. Marche de ces faux qui me foutent les nerfs. Écoute maintenant, je vais me barrer pour avoir une puce sur la mer. Planète Rap. Il y a beaucoup de messages aussi, beaucoup de demandes en disant est-ce que tu vas faire une tournée au moins avec cet album? Ouais, pour l'instant, il n'y a que des showcases. Ouais. Après, moi aussi, j'aimerais bien faire le Dôme, par exemple, à Marseille. Plutôt pour 2015. Ouais, j'espère. 2015. J'espère. Parce que pour l'instant, je pense, moi, que je suis pas prêt. Vas-y, lève-toi, bouge ton boule. Vas-y, lève-toi, bouge ton boule. Vas-y, lève-toi, bouge ton boule. Vas-y, lève-toi, bouge ton boule. Ce soir, faut que je danse et que j'oublie mes soucis. Alors, danse, danse, danse, danse. Ouais. Que j'oublie mes soucis. Alors danse, danse, danse, danse. Je t'en fous que je danse et que j'oublie mes soucis. Alors danse, danse, danse. Planète Rap. Voilà un aperçu de Joule. C'était hier dans l'émission entre 20 et 21. Et on est reparti pour une nouvelle soirée avec l'album qui est dans les bacs, toujours numéro 1 des ventes. Cet album, continuez à cliquer, à le prendre d'ailleurs sur iTunes. Il y a trois morceaux en plus, hein. Voilà, c'est ça, ouais. Il y a trois morceaux. Il y a le morceau Je suis là. C'est le clip que j'ai sorti hier à minuit. Après, il y a l'instrument de Señora, je crois bien. Et il y a Putain de Life. Voilà, c'est les trois bonus. On pourra peut-être aussi découvrir cette semaine, qui sait. Voilà. Mais là, on débute comme chaque soir avec un morceau. C'est le morceau. Le nom de l'album aussi, celui-ci. On le balance. Je trouve pas le sommeil. Allez, pas le sommeil. Allez, on Allez, c'est parti. Joule. DJ Abdel. Je trouve pas le sommeil. J'en ai mal à la tête. On récolte ce que l'on sème. C'est la même, je vois les jours qui se répètent. Je trouve pas le sommeil. J'en ai mal à la tête. Dédicace à Tricot et Sabrina de Fréjus. Ouais, ouais, ouais. Je sais, il faut me parler. Je veux m'en aller. Je vois le mal partout. On dit tout le monde y aller. Bon Dieu, aidez-moi. Je vois des choses qui ne font pas. Les gens, eux, te regardent. Quand tu fais plus bien, faut pas. mais pourtant comment faire? Aucun point de ta life, sache que moi je suis pas les autres. J'ai été éveillé toute la night, parce que dans ma tête c'est le désordre. J'vis ma vie comme je peux, j'fais un peu comme je veux. Dites-moi si je tourne en rond, car des fois je pète un plomb. J'trouve pas le sommeil, j'en ai mal à la tête. On récolte ce que l'on sème, c'est la même, je vois les jours qui se répètent. J'trouve pas le sommeil, j'en ai mal à la tête. On récolte ce que l'on sème, c'est la même, je vois les jours qui se répètent. Faudrait leur faire un film de personne n'oublie personne, mais pas de vodka. Ça pourrait venir fumer quand tu te mets sous vodka. Combien dit moi je suis là quand y'a un bruit ça choque pas. Combien j'en décante comme des slips, la vérité ça me choque pas. Je trouve pas le sommeil, j'en ai mal à la tête. On est comme ce que l'on sait, c'est la même fois les jours qui se répètent. Je trouve pas le sommeil, j'en ai mal à la tête. On est comme ce que l'on sait. J'en ai mal à la tête. On récolte ce que l'on sème. C'est la même, je vois les jours qui se répètent. On récolte ce que l'on sème. C'est la même, je vois les jours qui se répètent. Je trouve pas le sommeil. J'en ai mal à la tête. On récolte ce que l'on sème. C'est la même, je vois les jours qui se répètent. Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo. C'est la crise au Mike Make. Et c'est Je trouve pas le sommeil avec bah, la team Joule, l'équipe qui est là aussi, la chorale de Joule, ce soir aussi entre 20 et 21, voilà. Sur le morceau Je trouve pas le sommeil. Voilà. La chorale Joule. Mais quelle chorale. Pour mater les images, allez faire un tour. C'est sur Skyrock FM, sur l'application Skyrock. Joule, ce soir, c'est la journée aussi spéciale avec les auditeurs qui vont te poser des questions live dans l'émission. Ouais. On commence par une première salve de questions. Allez, vas-y. Allez, on accueille, c'est Safa de Bolène. Salut, Safa. Salut. Comment ça va, Safa? Ça va très bien, et vous? Bah écoute, en pleine forme, je te présente Joule. Enchanté, ça va? Ça va, tranquille? Ça va, tranquille. Tranquille. Bon, Safa, tu as une question pour Joule, on t'écoute. Oui, alors je voulais savoir quels étaient tes projets pour 2015. Alors 2015, c'est bientôt hein, en même temps. Ouais, ben bah, j'espère sortir encore un street album vers l'été, peut-être, on verra. Et après, mes projets pour 2015, c'est de faire des scènes aussi. Je vais essayer de faire des concerts. On en a parlé un petit peu justement hier avec ce fameux dôme. Voilà, je vais essayer de faire le dôme, des trucs comme ça, des salles comme ça. Mais pour ça, faut en effet préparer, faut bosser un peu plus la comme scène. Comme j'ai dit hier, je suis pas encore, je pense pas être encore prêt. Donc là, on va se préparer pour tout ça. Safa, ouais. Ça te convient ou tu veux poser une autre question? Je voulais surtout faire des dédicaces. Ah bah alors vas-y, on t'écoute. Alors je voulais faire une grosse dédicace à tout Louis IV, Bolène, Orange, à tout le monde. Et aussi je voulais faire passer un message. Alors Fabio, si t'es là, je t'aime. Alors là, Safa, il faut nous expliquer. Mais il me connaît normalement. Ah, tu connais un des membres de l'équipe qui est là dans le studio? Ah, il a dû l'appeler avant. Eh ben écoute, le message, la déclaration est passée. Voilà, c'est bon, il t'a entendu, Fabio. Ah, mais juste à la l'oreille. Là, tu as été écouté. Il est en train de fêter ça, d'ailleurs. Il est en train de fêter ça. On te fait un bisou, Safa. Allez, gros bisous. Ciao, passe une bonne soirée. Tu nous réserves maintenant Luigi qui nous appelle de Saint-Etienne. Ça va, Luigi? Ouais, ouais. Bien, en forme bien. Bah écoute, bienvenue dans le Planet Rap de Jules. Merci. On t'écoute, quelle est tes questions toi? Bah salut, c'est Skyrock, ouais Jules bien. Tranquille. Comment t'arrives à être autant productif en faisant des trucs qui sortent de l'ordinaire? En fait, t'as un peu créé ton propre style. Voilà, bah en fait ça vient tout seul, hein, je te mens pas. Ouais. Je me mets devant l'ordi et ça vient tout seul. C'est à force de travail après. Mais c'est quoi, ça a commencé comment en fait? Toi t'avais un logiciel pour faire des sons? Voilà, moi j'avais un logiciel sur ton ordi. J'avais Pro Tools. J'ai acheté Pro Tools. Et dedans il y avait pour faire les instruments. Et j'ai appris tout seul, j'ai tout appris seul. Ah ouais, tout seul, tu t'es mis sur le... Pourtant c'est pas un logiciel non plus super simple. Voilà, ouais, en plus en anglais, je l'avais en anglais moi. Ah ouais, en plus ouais. Donc pas très bon en anglais, Jules? Pas très bon en anglais, pas mais très bon. Ça va, maintenant on se démerde. Donc au début tu fais quoi? Tu testes plein de trucs? Voilà, je teste plein de trucs. Et d'ailleurs, quand j'ai envoyé mes sons pour le mix dans mon premier album, les mecs ils sont devenus fous. Ouais, les mecs ils ont serré, les mecs. Ah oui, ils se sont dit, oh là, ouais. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y en a partout, non? Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il faut expliquer, c'est un logiciel où tu peux mettre plusieurs pistes. Hein, voilà, c'est ça, tu donc, mets des compresseurs, tu mets des reverbs. Voilà, tu peux mettre des effets, etc. Des effets, voilà. Et c'est vrai que parfois tu peux avoir des centaines de pistes, voilà, alignées. Et quand tu dois mixer tout ça après, au final, je suppose que c'est une grosse galère. Ah ouais, quand c'est pas réglé et tout. C'est... Mais tu te souviens le premier son que t'as fait avec le Pro Tool, justement, le tout premier dont t'as été fier, hein, pas les essais avant, mais celui où tu t'es dit, tiens, il faut que je pose dessus. Un qui m'a vraiment plu, c'était Marre de tout. J'ai fait un son, il s'appelle Marre de tout. Et voilà, ce son, c'est un des premiers sons que j'ai kiffé, quoi. Luigi, est-ce que ça te convient? Ouais, ça me convient parfaitement, super, merci en vrai. Petite dédicace, petit message à passer. Hein? Petit message à passer à Fabio, ouais, peut-être, ou à quelqu'un, ouais, d'autre. Je sais pas, c'est Luigi, il va nous dire. Hein. Luigi, on t'écoute. Petit dédicace à Susanté, au Charpenet, Anto, Rémi, Seb, Manu. Ah bah c'est lui, il est en équipe aussi à la maison. Hein. Il est en équipe aussi. Susanté, on t'écoute. Ah merci, merci. Kamikaze. Ouais, il est là, Kamikaze. Oh. Et les gars, est-ce que vous avez récupéré l'album, le dernier album de Jules qui est sorti hier? Bah voilà. Vous avez kiffé ou pas? C'est quoi vos morceaux que vous préférez sur l'album? C'est La Fusée, Je Trouve Pas Le Sommeil, Vidaloka. Moi je vous dis, c'est tous tes préférés. Ouais, tout. Ah, merci, ouais, frère. C'est de la tuerie ton album, Jules. Ah, merci, tu assures. Et bah merci à toi, Luigi et tes potes à l'instant du côté de Saint-Etienne sur Skyrock. On va écouter un morceau. Alors qu'est-ce qu'on met? Est-ce qu'on met un morceau? Alors là, on va mettre le morceau que Nicolo, j'ai sorti le clip hier. Ouais, c'est le clip qui est arrivé hier, ouais. Voilà, c'était la surprise hier. Et donc j'aimerais bien mettre celui-là. Donc les images sont dispo et le morceau on l'écoute maintenant. Wow. Nique-le, Abdel, c'est quand tu... Nique-le. Je prends le pouce, t'es venu pour parler. Tu m'énerves là, je vais m'en aller. Pour toi je pourrais essayer de parler. Tout a changé mais je vais pas chialer. Tu fais le voyant mais tu sais que parler. T'as plein de sous, tu fais le mec en chien. Tu crois que tu sais tout sur tout. Tu me fais trop l'ancien. J'en ai vu dans la merde, mais notre vie c'est la même. Et ça toute l'année. T'es pas tôt de la mettre, et c'est dur de l'admettre. Moi perso j'suis fané. Il a bu ton verre, il regarde travers, il insulte la mère, il se prend pour ton père. Il te doit des lobes, ta famille la lobe. Il t'a fait un trou, en plus il fait le fou. Un kilo en boucan, un peu d'alcool pour un tour en bécane. Il me laisse des coms, oui des coms de cons. Dans le fond ça me fait rire, sur le joint j'décolle. J'fais trop le mec, y'a pas un. Elle est trompeuse l'apparence. Pour ce qu'on perd, tu un frère, un proche qui ont grandi sans parents. Fais gaffe, y'a les civils. Tout peut aller si vite. J'vais comme si c'était le dernier jour. J'avance la guerre civile. Elle a bu ton verre. Elle t'a pris ton mec. Que gros, mais t'en as pas l'air. La butte en verre, nique-le. Le regard travers, nique-le. Insulte la mère, nique-le. Prends pour ton père, nique-le. Fais-toi des lots, nique-le. Parmi la lot, nique-le. Fais un trou, nique-le. Tu fais le fou, nique-le. La butte en verre, nique-le. T'as pris ton mec, nique-le. Avec des affaires, nique-le. Dédicace à Barabas. Voilà. Une grosse dédicace à Sabrina et Elissa. Oui, oui, oui. C'est la crise au Mike Make. Une grosse dédicace à Aurélie et Lina. C'est la crise au Mike Make. Et Fred, j'ai quelque chose à te dire. Vas-y. Alors, je voudrais annoncer à tout le monde de... Il y a un gros showcase qui se prépare le jour de l'an à Saint-Etienne avec toute la Liga One. Voilà. Donc, le jour de l'an, vous serez à Saint-Etienne. Le jour de l'an, on est à Saint-Etienne à la Dict. 31 décembre. Voilà, le 31 décembre. Avant le passage pour 2015. À Saint-Etienne à la Dict, on va mettre le feu avec toute la Liga One. On va tout péter, on va faire trembler les murs comme d'hab, vous le savez. C'est la crise au mic, mec. Et ce sera quoi? Tu prendras le micro, petit showcase Bien sûr, toute la Liga One, elle va passer. Ouais. Je passerai. Donc le 31 décembre, je vais faire la fête avec Jules et la Liga One. Voilà, on fera les morceaux de l'album, en plus les morceaux du nouvel album. On fera Pourquoi tu me fais le gros avec toute la Liga One aussi. Donc ça va péter. Donc c'est le 31 décembre. Allez vous renseigner, peut-être réserver dès maintenant. Voilà, ça risque ça va être prêt. Plein. Donc blindé pour le 31 décembre du côté de Saint-Etienne. Blindé. Avec Jules, on mettra un morceau dans quelques minutes. Et puis on continue aussi avec une question. Ouais. Ce soir, question par téléphone des auditeurs de Skyrock, de la team Jules. Et on est avec Damien. Salut Damien. Salut. Ça va bien Damien? Ça va bien et vous? Eh bah ouais, t'es d'où Damien toi? Près de Calais. Près de Calais, dans le Nord, on t'écoute, c'est parti. Alors, salut Jules. Ouais, j'aurais aimé savoir si par rapport à tes chansons, j'adore la chanson Tu la love, j'oublie tout, tout ça. Ouais. Et j'aurais voulu savoir si tes paroles étaient dues à un drame sentimental ou quelque chose, un rapprochement ou un des amis peut-être. Ouais, voilà, c'est ça, c'est du vécu. Tout ça, c'est du vécu, gros. Donc, dès que tu fais un morceau, il y a forcément une inspiration. Bien sûr. Ah, j'invente pas, moi. Non, moi, tout ce que je dis, c'est du vécu. Gros. C'est bon pour toi, Damien? Ah. J'aurais bien voulu savoir, en fait, comme les paroles se rapprochent tous, on dirait un épicentre d'un drame sentimental, et voilà, quoi, ça me perturbait un petit peu, quoi. C'est pour ça que je voulais. Ouais, après, j'ai été déçu par beaucoup de monde, tout ça, comme un peu tout le monde, quoi. J'étais déçu, tout ça, et j'essaye de le faire savoir. Voilà. Attends, on t'écoute parce que juste il y a un petit Larsen, vas-y, ouais. Continue. Allô, tu m'entends, Damien? Oui, je t'entends. Impec. Un drame sentimental, après. Voilà, j'ai été déçu, comme je t'ai dit, par beaucoup de monde. Et... Donc c'est ce que tu j'aime retranscris bien le dire, j'ai vécu beaucoup de choses et j'aime bien les faire ressentir. Ça te convient, Damien? Ouais, ça me convient. Eh ben, merci à toi d'avoir été avec nous par téléphone, d'avoir posé une question. Bah, merci à vous. Ouais, merci. Ciao Damien, à l'instant, on va revenir dans quelques minutes, à moins qu'on ait Lilia aussi par téléphone ou on n'a pas Lilia? Pas encore, on l'aura dans un instant Lilia, si c'est bon. Allô Lilia, de Marseille. Allô, oui. Ah bonsoir. Bah voilà, marseillaise. Vous allez bien? Et toi? Ça va. Et bon, t'écoutes, il y a Jules qui est là, il t'écoute. Déjà coucou, je vais te demander comment se déroulent tes journées. Ah. Mais alors ça dépend quoi, plutôt journée promo, plutôt journée normale? Alors, quand il enregistre ses sons et tout, après il fait quoi? Genre il va chez lui, il va chez ses potes, je sais pas, il dort, il fait quoi? Alors, je vais te dire, ça va être simple. Dès que je me lève, je descends, je suis en bas de chez moi, je suis au quartier. Mmh. Avant de me dormir, je suis au quartier. Avant d'aller au studio, je suis au quartier. Et après le studio, je suis un peu au quartier aussi avant d'aller dormir. D'accord. Voilà, tout le temps au quartier, j'en ai marre de rester au quartier. Sauf quand tu voyages un peu là, cette semaine. Bah, voilà à part quand je voyage, ma vie c'est que les hôtels et voilà quoi. À part quand je voyage. Après, quand j'ai rien à faire et tout ça, je reste au quartier. Que le quartier. Ça va. Et je te dis aussi un truc, quand je regarde sur Facebook et tout, je vois que les gens en fait critiquent beaucoup. Ouais. Mais les gens, en fait, ils comprennent pas qu'ils ont pas fait le trois quarts de ce que tu as fait, tu vois. Ah, merci, ça fait plaisir. Ouais, mais ouais, donc bah, écoute pas les gens, c'est juste des jaloux. Non, t'inquiète pas. Tu as réussi ce que tu as voulu réussir dans ta vie, et puis c'est tout. Ah bah non, et puis, on l'évoquait un petit peu hier justement, puisqu'on parlait de l'album qui avait cartonné dans Ma Paranoïa aussi auparavant, ouais. Et forcément qui a énormément vendu, qui a été une surprise, hein, parce qu'il y a peu de gens qui t'attendaient aussi, c'est une réalité. Donc forcément, après, il y a toujours un phénomène. On n'arrive pas à être content forcément des gens et du succès des gens. Bien sûr, après, je peux pas plaire à tout le monde. Ouais. Mais après, oui, tu peux pas plaire, donc les gens t'écoutent pas. Mais voilà. Mais s'ils t'écoutent pas, si en plus ils viennent exprès pour critiquer, pour rager dessus, c'est. Ah, j'ai pris l'habitude, après c'est ça y est, maintenant je calcule pas, je le réponds un peu des fois dans mes sons. Ah bah t'en as fait un beau là, d'entrée là sur l'album. Ouais, message rageux, c'était un peu pour eux. Après voilà, c'est rien, pas grave. Il y a aussi toute une majorité, puis Lilia t'en est la preuve, voilà, la majorité, alors qu'il s'exprime peut-être pas forcément sur les réseaux sociaux, mais qui va acheter tes albums. Ouais, ça fait, je sais, qui va au concert, qui va au showcase, qui se déplace pour te rencontrer. Et je pense que c'est le plus beau des trucs aussi. Ouais, franchement, ouais. Ça fait plaisir. Il y en a plein que je vois un peu de partout. Ils viennent dans les concerts alors que c'est rien à voir. Par exemple, je fais un concert au sud, d'un coup je vois la même personne au nord. Ah, qui suivent, ouais, qui suivent les concerts. Ah ouais, ça fait plaisir. Mais voilà. Bah, ben, merci Lilian. Merci à toi Lilian. On te fait un bisou Lilian. Bisous. Bisous, ouais, ciao. Ça gratte un album. Hein? Ah, ça veut gratter un album. Oui. Ah, elle veut un album? Ben ouais, si elle veut, au magasin. Mais on va te mettre ça de côté, t'inquiète pas Lily, on te remercie. Merci, bisous. Bisous, passe une bonne soirée. C'est Jules avec nous. Qu'est-ce qu'on mettra comme morceau, Jules, dans quelques... Alors là, on va envoyer le morceau avec Chepralas. Donc ça arrive dans un instant. Ouais. Juste vous rappeler aussi deux choses. Tu nous as promis cette semaine que tu allais réaliser un son en direct. Parce que tout à l'heure, on parlait de la façon dont tu bosses avec, avec ton logiciel. Donc tu nous feras un son demain. Demain, j'arrive avec mon ordi. Te casse pas la tête, il y a tout dedans. J'ai tout mis. Mais t'as quoi? T'auras une base déjà ou... Non, rien du tout. Rien du tout. J'arrive, j'ouvre mon Pro Tools, je fais une nouvelle session. Ça part de là, je fais le beat, tout ce que tu veux. Donc demain, on pourra vivre ça pendant l'émission. Voilà, juste, ouais, c'est bon. Donc un son inédit fait par Jules dans l'émission, ce sera demain entre 20 et 21, à pas louper. C'est ça. Et puis d'ici là, il y a l'album, on écoutera donc un morceau, bougez pas, avec Chebralas d'ici quelques minutes. Voilà. C'est le retour. Et une grosse dédicace à Alban en Suisse. C'est la crise au Mike Make. Bougez pas, on revient après ça sur Skyrock. Allez, ça va. Comme toi, Jules a lui aussi choisi Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est Jules, notre invité toute la semaine entre 20 et 21. L'album est dans les bacs numéro 1 des ventes pour Jules, à découvrir tous les soirs entre 20 et 21. Et un morceau maintenant avec Chebralas qu'on va écouter. Voilà, morceau avec Chebralas. Donc le choix de Chebralas sur le morceau. Comment le choix, c'est-à-dire? Bah toi, pourquoi t'as voulu la voir? Parce que j'étais là-bas, j'étais en Algérie. Et voilà, il y avait un de nous qui avait le contact de son manager. Et voilà, ça s'est fait comme ça en deux jours. Donc deux, bonne connexion. Jours. Bonne connexion, ouais, franchement bien. Bien avec Chebralas, j'aime bien le morceau. Et bah Abdel, quand tu veux, tu balances le son maintenant. Du genre à montrer, pas du genre à me cacher. Je les écoute pas, ils peuvent toujours me clasher. Putain c'est hoche, ça donne des coups en cachette. Ton meilleur ami peut se trouver derrière la gâchette. Je trouve l'esprit, je fume un peu de hashish. Fais gaffe petit, avec des sous ça t'achète. T'as vu gâcher par des bâtiments. Trop de sentiments, le regard vite ça t'achète. J'suis pas eux, sachez-le. Moi j'ai galéré, MBDH, tapez-le. La loi emmerdée là, lui il se montre, regardez-le. Envie d'y mettre des tartes de là. J'suis au bled, j'observe la lune de mon matelas. J'ai vu le regard des gens quand t'avais le Cayenne. Quand t'as plus tout plus de femmes, tu sers à rien. Qui veut pas chercher une excuse, qui veut chercher un moyen. La haine ouvre les yeux, mais avec l'amour je vois rien. Y'a Harobina, Willa, Hakatuna. Baïni, Koma, Baïni, Hakatuna. et je t'oublierai. Va voir ailleurs, t'inquiète pas, j'irai. Trahis-moi et je t'haïrai. Nous deux à vie, c'est terminé. Je te vois, t'es triste, mais tu parles pas. Je vois tes larmes, on me regarde pas. On se fait du mal, mais on le sent pas. T'es pas comme moi, donc on s'entend pas. Une grosse dédicace à Amjad, une dédicace à Yogo, Déjanté, Doum Doum, au de Wassim, à Rectangle, au petit Moubarak, Andy, Didi. Voilà, une grosse dédicace à Lounis, Kalilou, Dadinho, Petou, Nadir, Amada, Azaki By Night, Younes Zouak, Anna Eji, Badis, Brahim, Tota, Veridic. À Sofiane Larbi, à Néné, à Pastèque, Cruchot et Pitch. Joule, à l'instant, c'est extrait de l'album qui est dans les bacs, l'album numéro 1, Joule, avec Cheb Rallas à l'instant sur Skyrock entre 20 et 21. Entre 20 et 21. Tu voulais ajouter quelque chose, Jules? Je te vois regarder le portable pour oublier personne dans les dédicaces. Ouais, c'est ça, j'étais en plein dans les dédicaces. Là, tu peux me répéter ta question, s'il te plaît? Non, non, c'était ça, c'est savoir si t'avais oublié personne. Non, oui, j'ai oublié un peu des gens, mais j'ai envie de les dire la vite fait en deux, je peux? Bah, vas-y. Alors, une dédicace à Carlos et Yacine de la Chicha à la Villa, Mohamedia. À Chakri et Sofiane du 555 de Marrakech. À Hamza, Joe, Saïd, Dengo, Katsu, Def et Badal de Pierrefitte. À Fessal et Iliès. Au petit Kader et son frère Amjad, le cas. Zoubir et à Merzak. À Alban ensuite et en Suisse. Et une grosse dédicace à Vida Location, la Chicha, le Passion à Saint-Mauron numéro 1. Toutou et Jacos, la crise au Mike, mec. Ah ouais, au petit Caïs, bien sûr, on n'oublie pas le petit Caïs. Et puis s'il y en a d'autres, hein, de toute façon, on a encore un peu de temps pour balancer des dédicaces. Voilà, il y aura du live ce soir avec Joule. Session freestyle, il y a un morceau aussi extrait de l'album. Bougez pas dans quelques minutes. On passera aussi un autre titre mixé par DJ Abdel. Et par téléphone, on est avec Kéfir. Salut Kéfir. Yeah, Frédérico, ça va? Ça va bien Kéfir? Ça va, nickel. En forme? En forme, ouais. Dans le froid, nous il neige, donc. Bah oui, bah, y a Joule qui arrive le 31 décembre à Saint-Etienne, lui fais pas peur. Ah ouais, bah Joule, je l'ai déjà vu écouter un freestyle avec des gars de Saint-Etienne, cellule indépendante, si ça lui dit quelque chose. Ouais, je me rappelle, dans le snack. Voilà, dans le snack et tout, mais c'était bien, bien avant ça, avec une chapka sur la tête d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Bah t'avais déjà froid à Saint-Etienne, bah là t'as entendu, il neige. Il fait tout le temps froid à Saint-Etienne, de toute façon. T'inquiète, on va vous réchauffer le 31. Ah, j'imagine. Et bah voilà, c'est où le 31 déjà, rappelle-nous? À Saint-Etienne, à la Dicte. À la Dicte de Saint-Etienne. Voilà. À la Dicte? Ouais, c'est ça. Je connais pas. Ah, bah voilà, Kéfir. Bah, va sur mon Facebook et tu trouveras l'adresse. D'accord, ok. Bah, tu vois, j'en apprends tous les jours. Parce que je connais. Même dans ta ville, regarde. Tu connais mon Facebook? Tu connais mon Facebook? Oui, bien sûr. Jules Saint-Jean-Lapointin. Yes, je regarde de temps en temps les trucs et tout. Comme ça tu auras l'adresse exacte, Kéfir, si tu veux aller passer le 31 décembre. Sinon, il y a quoi de prévu pour toi le 31? T'as déjà quelque chose ou en tête? Moi, le 31, je serai sur Paris d'ailleurs pour voir de la famille. Donc, je sais pas, moi, peut-être, il y a quelque chose. Tu fais quelque chose, Jules? À la Dick, le 31. Mais lui, il est à Saint-Etienne, donc c'est con. Ah oui, merde. Showcase avec la Liga One, le 31. Ok, ça va être mortel. Il y aura peut-être cellule indépendante sur scène alors. On verra ça. On va voir. À suivre. Il y aura la Liga One, il y aura tout le monde. Ghetto Phénomène, Soso Maness. Yes. Khalif. Ah yes, ça va être bon comme ça. Bah, on t'écoutera un peu, Kéfir, c'est l'heure du freestyle par téléphone. C'est parti, t'as une 30 comme d'hab pour tout défoncer. Yeah, ok, KFYR. Yo. J'essaye d'emmener l'auditeur au-delà de ce que mes mots illustrent, planer sur le corail, m'imposer. Nautilus, j'émerge de profondeur, invisible pour vos sonars. Un parasite en visite, musique bloqué sur Solar. Voici ma carte de visite, toujours aussi précis sur le beat. Les wax sont peu explicités, investis sur les feats. A chaque fois que j'écris un freestyle, je peux pas m'empêcher de les citer. C'est le texte next racaille avec l'esprit toujours dissipé. Dirigé vers les feux, DJ Wack. Break dancer, auto-yeur, mec des fat clac. Bud Spencer, mec t'es trop nul, tu devrais te terrer dans ton fief. Si on payait un impôt sur le ridicule, tu paierais l'ISF. Docteur Kéfir, Mr. Cafard, mettez le pain fort, bande de bâtards, chute de l'éventard. Toutes ces pinces qui se prennent pour les princes du Catario. Je m'adresse à tous ceux qui mettent des bâtons dans les jambes. Ça se répercute dans les ventes, car leur album sonne tout creux. Ils croient doux et je vais les jouer, goûmer tous leurs plans des boules. Écouler, les écouler, tout le coup, le fini de jouer. KFYR, ça fait, je dédicace à Robin et Pierre, Coulon, de Houdemont, la trame, Valentin, Stanislas, P50, Mira et Nesta, Chloé Bonnefoy, P50, P50, P51 et bien sûr Marina. Yeah. Ok, Kéfir à l'instant en freestyle. Comme d'hab, merci à toi Kéfir. Bah c'est moi qui te remercie. Ouais, bien, bien. Et bah le 31, je vais essayer d'annuler mon voyage sur Paname et je vais essayer d'aller voir la Liga One. Ah, tiens sûr, frère. Et, tout dépend de la bagnole que tu auras en même temps, hein, Kéfir. Tout dépend du véhicule qui va te convoyer. Ouais, exactement. Putain, je sens que Frédérico, autant ça te colle à la peau, autant moi je pense que cette histoire va me coller à la peau. T'inquiète, j'ai quelques dossiers maintenant sur toi, Kéfir. Non, je vous dis ça parce que Kéfir, la dernière fois qu'il est venu à Paris, ils étaient en bagnole, ils ont mis combien de temps, vous avez mis On a mis 13 heures. 13 heures. La Renault 21 a rendu la main. C'était compliqué d'arriver jusqu'à Paris, mais il est arrivé. C'est bien, on a même fait une nocturne avec lui, donc voilà, terrible. Merci à toi, Kéfir. De rien, merci. Ciao, ciao. KEFYR pour voilà. Ceux qui veulent me suivre. Pour aller suivre Kéfir, c'est KEFYR. Allez, ciao, frère. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Jules, on écoute un morceau avant d'attaquer le live. Allez, quel morceau? On avait dit la fusée peut-être, non? C'était pas ça? Non, c'était pas la fusée, c'était le regard des gens. Dans le game. Ah, dans le game. Ouais. Dans le game, Abdel est au platine. Dédicace à Tony et Maxime, va-t'en locos. Pierre m'arrive plus de comme à mes couilles, toute la France est à l'écoute. Personne me calcule et maintenant ils veulent tous qu'on se serre les coudes. Je fais confiance à mes doutes, tu me crois pas, bouge à l'écoute. Ils me critiquent à l'époute, jusque d'or ils me salissent tous. J'ai plus la potion, tous les jours je fais des gros sons. Je vois les autres quand je débarque dans leur ville, ils sont sous tension. J'avance le cœur glacé, je vois plus les jours passer. Au quartier c'est la merde, ils veulent tous faire les sous pour se casser. Braco, gang, but ou agression. Mon perso, je fais plus rien au studio, je taffe l'art du son. La crise en mic sur les cuissons. Pour moi, y'a que des bagarres. Ça fait que maintenant, je me fous de savoir qui ils sont. Pas fort à l'école, moi, je suis allé jusqu'en troisième. Je viens d'acheter un album, j'enregistre déjà le troisième. Dans le game, poto. C'est normal. Ils me rappellent, je me jalouse, mon gros. C'est normal. Ils s'attendaient pas à me voir venir. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai ton avenir. Je suis dans le game, poto. C'est normal. Ils me rappellent, je me jalouse, mon gros. C'est normal. Ça gratte, ici ça plaque, ça crie à raca à la bac. Si ça frotte, ici ça casse et ça fait tout ça normal. Comme un loup, je me prends pas pour un autre. Liga One c'est trop carré, personne pourra faire comme nous. Ils disent mais qui sommes nous, ils suivent pas trop le mou. J'arrive en concert, la foule crie, ça résonne comme au Gambenu. Laissez-moi que je vide mes nerfs, ils sont trop lents, moi j'accélère. Laissez-moi, je suis ailleurs, si je t'écoute pas, ben je crois que c'est l'herbe. Là je crois que c'est l'heure, je suis venu pour leur casser l'heure. Partout y'a des calages, sert à rien de faire le Hercule. Autour du poignet la Bradley Ring, avec ma dream team sur les plages de Beverly Hills. Chez moi ça écoute du Tool, des flamants jusqu'à la granière. Ici c'est quartier chaud, ça vole les chemins, pas de marche arrière. Pour les mecs ont qu'une parole, ça défroche même un paillole. Je rentre dans le game, casse pédier, un peu comme les mecs la caillole. Classe sauvagère, je cacalise. Pas de bonjour au bijouté, vas-y rempli, cache la valise. À ce qui paraît, ça m'écoute dans toutes les banlieues de Belize. Dans mal chargé, ils s'en battent les couilles, tu les verbalises. Game poto, c'est normal. Ils me rabaisse, me jalouse, mon gros, c'est normal. Ils s'attendaient pas à me voir venir. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai ton avenir. Dans le game, poto, c'est normal. Ils me rabaisse, me jalouse, mon gros, c'est normal. Ici ça gratte, ici ça plaque, ça crie à raca et à la bague. Ici ça frotte, ici ça casse, ça fait tout ça normal. Dans le game, poto, c'est normal. Ils me rabaisse, me jalouse, mon gros, c'est normal. Ils s'attendaient pas à me voir venir. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai ton avenir. Dans le game, poto, c'est normal. Ils me rabaisse, me jalouse, mon gros, c'est normal. Ça gratte, si ça plaque, ça crie à raca, y'a la baque. Si ça frotte, si ça gratte, et ça fait tout ça normal. Ouais, ouais, ouais. Je tiens ma répute comme à mes couilles, toute la France est à l'écoute. Personne me calcule et maintenant ils veulent tous qu'on se serre les coudes. C'est la crise au mic, mec. Je trouve pas le sommeil depuis hier dans les bacs. C'est la crise au mic. Et depuis hier, numéro 1 des ventes aussi. Continuez à aller acheter. Number 1 dans les ventes. Jules, à découvrir cette semaine entre 20 et 21. Est-ce que tu es prêt pour le live maintenant, Jules? Allez, on est chaud? Chaud ou pas? Allez, chaud pas. Il paraît qu'il y a live et freestyle juste derrière. Abdel. Ok, Mani. Ok, Mani. Tu veux nous tester, donnez là, hein? Bâtard. Alors, tu veux nous tester, bâtard? Ok. Tu veux me tester, je suis là. Tu veux me tester, je suis là. Tu veux me tester, je suis là. Tu veux me tester, je suis là. Tu veux me tester, je suis là. Tu veux me tester, je suis là. Tu veux me tester, je suis là. Je suis là. J'aime peu, fume, je suis le 22. Je me dois d'avancer même si on m'aime peu. Prends le nerveux, assieds-toi un peu. C'est que je t'aime bien donc je pas de fin que. Solo devant la lune, des fois je fais un peu. Dis-moi qui te colle, je te dirai qui t'en veut. Tiens, chien, tiens, prends mon shit, coupe en deux. J'ai souvent fumé, tu fais le tour de ma ville à deux. Même si t'es pas une tape, que je te plie en deux. Fais le voyou devant tes clients, tes clients deux. Moi je leur fais danser le caca, rien de. Je m'en prends à toi, non pas le deux. Joue le mic un deux, je suis sous vodka. Rigole un peu, moi je me montre pas. Trop suce des queues, c'est pas mon cas. Tu passes à la barre, dans un bocage, je dis pas que tu es meilleur que. Qui veut me taire, bon, je suis là. C'est souvent celui qui fait le con qui n'agit pas au final. Faut que j'aille chanter, j'ai traumatisé. C'est qui m'observe, qui va d'aller. J'parle ghetto, qui veut me taire, gros, je suis là. C'est souvent celui qui fait le con qui n'agit pas au final. Faut que j'aille chanter, j'ai traumatisé. C'est qui m'observe, qui va d'aller. Tu veux me taire, je suis là. Tu veux me taire, je suis là. Tu veux me taire, je suis là. Tu veux me taire, je suis là. Tu veux me taire, je suis là. Tu veux me taire, je suis là. Tu veux me taire, je suis là. Je suis là. J'ai le cœur en panne, sur une remorque, prêt à soulever des montagnes. Bien sûr, sans faire le mental. Tout en gardant mes couilles et ma mentale. Je fais jamais le gangster quand je mélange la monster. Je me la pète pas parce qu'à ma tête un poster. Tu es MC, un braqueur ou un boxeur. Franchement, j'y ai plus, mais je t'écrase un bosseur. Le vase a débordé, t'as rajouté la goutte d'eau. Arrête pas les calages, t'as même pas un couteau. J'ai une victime, je monte à pas le poteau. C'est pour les petits qui se font la merde avec des codes volés. Pour tester un AX, bingo ou punto. Continue chez nous, ça t'écoute trop. Mais change pas, reste comme avant. Quand tu mets auto-tune, des fois ça dégoûte trop. Mais j'en fais qu'à ma tête. Mon check, c'est ces gens-là, pointe. Ramène ceux qui parlent de nous, qu'on lui nique sa mère, qu'on lui casse sa tête. Tu me fais de pute avec des paroles de bonhomme. Surveille ta porte, les petits se lèvent de bonheur. Ils en ont marre d'être un mode économe. Pour eux, ce qui compte, c'est la fierté et l'honneur. J'prends ghetto qui veut me taire, bro, j'suis là. C'est souvent celui qui fait le gros qui n'agit pas au final. Faut que je les chope, je les traumatise. J'sais qui m'observe, qui va n'aller. J'prends ghetto qui veut me taire, bro, j'suis là. C'est souvent celui qui fait le gros qui n'agit pas au final. Faut que je les choque, je les traumatise. C'est qui m'observe, qui va n'aller. Tu veux me test, je suis là. Tu veux me test, je suis là. Tu veux me test, je suis là. Tu veux me test, je suis là. Tu veux me test, je suis là. Tu veux me test, je suis là. Tu veux me test, je suis là. Tu veux me test, je suis là. Voilà, c'est la crise au Mike Maker. Ça sème qui me font mon oser, ratatata. Dans le check, le fait qu'on fait te font des prises de sommeil. Il faut que je me casse. Depuis que je suis dans le game, gros, je vise le sommet. Et ça y est, vous êtes balayé. Viens pas me sucer, t'es pas de mon allié. Je suis venu dans le rap comme un alien. 135 balles dans le barillet. J'ai plein de soucis, gros. J'ai pas la tête à me marier. Avant, quand je serais prêt, presque ça riait. T'as vu, c'était sur moi qu'il fallait parier. Aussi les gros ont des boules, donc décale, cale. Faut pas le gros si tu parles au deck, deck. Dès qu'on est en face, t'es tout pâle, pâle. Ils te servent à rien, tes gros becs, becs. Et vas-y, casse-toi de là. Casse-toi de là. Et vas-y, passe-moi le mic. Passe-moi. Et vas-y, casse-toi de là. Casse-toi de là. Vas-y, passe-moi le mic. Quand je passe des dégâts, toi t'es qui, je te dégomme, je te kill. Entre deux, toi t'es comme ces fils d'œufs qui me laissent des gommes à des kilomètres. Voilà, des gros, ils sont pas bons comme le com. Je le suis, je le reste. Y'a mon son qui tourne dans la tête. J'peux pas retourner la veste, j'suis au check. J'ai pas changé d'adresse. T'as vu l'instru comme j'aime l'agresser. En plus, j'suis pas pressé. J'prends mon temps comme le père du matin. Faut l'apprécier. J'crève d'une messe qui balade chargée. Sparks qui cherche une messe à charger. Tu pars du calache, t'es comme mytho. J'suis que le calibre, c'est même pas le charger. J'suis à la mise, j'te dis que j'ai plus de cœur. Arrête de me casser les couilles. Ça y est, les filles, je les connais par cœur. Elles peuvent graver ton nom sur une douille. Arrête de faire l'andouille, douille, douille. Quand je rappe t'as la trouille, trouille, trouille. C'est pour mon poteau qui est en deuil. Parce qu'il s'est fait péter à la fouille, fouille, fouille. Tu veux me baiser, mais comment gros. J'suis ton poteau, moi qui t'envoyais des mandats. Comme visée, j'monte un commando. Et j'arrive à Skyrock pour faire un attentat. Quand bon, on se rend pas, c'est pas parce que je fais du buzz que je fais le zampa. On s'en tape, je le répète, on s'en tape. Je vais te niquer sans faute, genre tu réussis. Je peux pas trahir mon pote, je m'en pas. Faire le mec me la péter, poteau, je me sens pas. C'est d'aider les frères qui font les 100 pas. Qu'est-ce que ça me dit que tu restes en cellule, tu descends pas. Comme j'ai galéré pour me payer ma paire de Nike. Je suis resté chez moi des années. je t'ai aidé. Pas le mec, arrête de jalouser, va sur ma page et mets un like. Mets le roof en baisse pas, ça met le moment. Là j'écris ce texte avec Vizier et Momo. Quand y'a du Joule, fais péter la sono. Avis au boycotteur, allez tous niquer vos mots. Tu parles mal, mal. Après quand tu me vois, tu parles pâle. Oui, j'ai des balles, des rafales de balles, des gros doigts, je leur canne. Parce qu'il y a que des traites, des fils de pute qui parlent. Et putain, moi j'aimerais planer. Sont mes potos condamnés. Mais mes matos, les écoutent, à ce qui paraît, je suis attendu comme un colis de fin d'année. Voilà. Tu me fais quoi là, même si on t'entend plus. Je t'avais dit qu'il faut pas. Ouais. T'as un mort, qu'est-ce qu'il y a le sang. Vas-y monte le son. Y'a un bruit, j'descends. J'descends. Je vais te mettre une leçon. Je viens de sortir l'album. L'album. Y'a beaucoup d'absents. Absent. Sers-moi un verre d'absinthe. D'absinthe. Sers-moi un verre d'absinthe. D'absinthe. Qu'est-ce qu'il y a le sang. Le sang. Vas-y monte le son. Le sang. Y'a un bruit, j'descends. J'descends. Je vais te mettre une leçon. Sers-moi un verre d'absinthe. Ouais. Je vais tous les quiller. Je vais tous les quiller. Ouais, je vais tous les quiller. Ouais, je vais tous les quiller. Ouais, je vais tous les quiller. Ouais, je vais tous les quiller. Ouais, je vais tous les quiller. Ouais, je vais tous les quiller. C'est la crise. Quand tout va mal, dis-moi pour toi où t'es. C'est pas ma faute, je fais que m'écouter. C'est qu'il y a trop d'MC qui m'ont dégoûté. Ramène ta folle, je vais la faire zouker. Ramène de l'alcool, je vais tout découper. Je vais niquer le rap, si sur moi tu doutes. Mise un blow, même un violet, disque dans deux semaines. Là c'est dur, sur préfète, je vais tous les violer. Les faire miauler, hein. Si j'ai du buzz, ne m'en voulez pas. Un 3-5, c'est anti-état. On va tout baiser, on déconne pas. Ma pote à Nanterre, c'est des terres au guidon. Attends, pendant que tu me rabaisse, ta gros matin. Je suis venu dans le game comme un combattant. Non, j'ai pas fait de pote avec Satan. Quartier, c'est pas bête, voiture de travers. T'insultes ta mère, prends un regard de travers. T'es des M en l'air, les schmitts arrivent en croix, ils crient en l'air. Trop de fois le folk qui donne des go par téléphone. Elle forge genre c'est des fans, y'a souvent trop de jaloux, trop de traits, trop de balance. À cause de j'entends, c'est la police à l'interphone. Ça se monte dessus, c'est comme ça dans ma zone. Quand y'a les sous dans la tête, il a plus de madone. Mes potes m'appellent de cellule, ils me disent mon rêve c'est de faire tuper la madone. Le rap, j'y casse la cogne. T'as quitté à faire la cogne. J'suis en qui dans le check la cogne. Comment madame promenade, ouais, cogne. De faire le colosse. T'es les Russes ont inventé la calache. Parce que moi je tire pas. Mais si je veux, j'ai plein d'autres idées pour te niquer ta race. À l'aise, sur une jambe au planète. Je fais mes instruits, ils aiment trop. J'écris ce qu'ils vivent. Dédicace ma team, Joule, poteau. Jamais ça s'arrête. Ouais, je crois que je suis qui. J'ai trop faim de billets. Ouais, demande à mon abonné. Jamais oublier les oubliés. Pour qui tu vas te fier. On flique pas tout le monde, va nier. Derrière votre amitié, parce que c'est un gros canon. Si. C'est la crise au Mike Mec. C'est la crise au Mike Mec. C'est la crise au Mike Mec. Ouais, ouais, c'est la crise au Mike Mec. C'est la crise au Mike Mec. C'est la crise au Mike Mec. C'est la crise au Mike Mec. C'est la crise au Mike Mec. C'est la crise au Mike Mec. C'est la crise au Mike Mec. Paranoïaque. C'est la crise au Mike Mec. Je trouve pas le sommeil. Paranoïaque. Je fais des crises au Mike quand je trouve pas le sommeil. Paranoïaque. Je fais des crises au Mike quand je trouve pas le sommeil. Je fais des crises au mic quand je trouve pas le sommeil. Paranoïaque. Je fais des crises au mic quand je trouve pas le sommeil. Voilà, c'était le live de ce soir. C'est la crise au mic, mec. Depuis hier, album dans les bacs. On va tout péter. Joule. La crise au mic, mec. À l'instant, en live dans l'émission Joule. Et l'équipe. La team Joule avec nous ce soir aussi, ceux qui envoient des messages. Ça fait plaisir. Aussi. Demain, alors j'explique pour demain le alors programme. Demain, attention. Demain, j'arrive, on fait l'émission. Après, je prends 20 minutes, une demi-heure de freestyle. Je vais composer l'instru. On va partir, je vais faire l'instru. Et après, il y aura tous ceux de la Liga One qui vont faire des textes. Donc demain. Donc demain, c'est et je dis session freestyle, mais t'auras quand même ouais, dans les premières 20 minutes, la possibilité de faire ton son. Hein. T'inquiète, je mets 5 minutes. Ah, ça va péter. C'est bon. Ok, ok. Je retiens. C'était compté. Je retiens. On fera le compte demain. On verra ça demain entre 20 et 21 avec grosse session live à pas louper avec Joule. Avant allez. De faire tourner la roulette au 41759, un petit dernier son avant de se quitter aussi, Joule. Ouais. Tu nous mets Mêlé en I avec Luch. Attends. Abdel, deux secondes. Dis-nous un mot quand même sur Luciano. Comment va le rat? Franchement, ça va, il va bien. Et ça m'a fait vraiment plaisir de faire un morceau avec lui sur l'album. Voilà. Pour moi, c'était comme un rêve, on va dire. parce que j'écoutais depuis petit le Ralo Tiano. Avec l'FF, ouais, avec la Funky Family, ouais. Voilà. Donc, franchement, un grand merci à lui et un big up à lui. Ouais, ouais, ouais. Big up à Ralo. Est-ce que t'as réussi à avoir des infos? Est-ce qu'il sortira un jour ou l'autre un album ou pas alors, Luciano? Franchement, je peux rien te dire, je suis pas au courant, mais j'espère qu'ils vont sortir une... dans pas longtemps même. Eh ben écoute, on espère, pourquoi pas en 2015, chaque année en même temps, voilà. On dit ça pour Luciano. Et on attend, ça ferait plaisir de le réentendre. Mais, bien sûr. Mais d'ici là, il est en effet sur ton album avec toi. Voilà, il est là, il est présent. Jules et Laura Luciano, ouais, tout de suite. Ouais, Luciano. On sait qui, on sait qui fait quoi. Pourquoi tu parles tant, tu n'es qu'une rumeur. On sait qui dit vrai, on sait qui fait croire. Mieux vivre sans bonheur que vivre sans honneur. On préfère crever d'une balle que d'une tumeur. Tu n'es tumeur, chacun son heure. T'inquiète, on contrôle zèle. Fais comme si de rien n'était. On paierait, tuerait pour un contrôle Z. Les temps ne sont plus qu'ils étaient. On arrive en traître comme l'arracheur sur sa chaîne. À l'affût comme le guetteur sur sa chaise. Un 3 ça revient, ça t'achève. C'est Marseille criminogène. C'est la cité endeuillée. Plus de balles que de prix Nobel. Que Dieu nous préserve d'embouiller. Ok, verse quelques gouttes pour nos gens aux yeux fermés. Que la terre leur soit douce. Je les revois encore leur fermer. Soutenons doucement les larmes. Y'a toujours plus malheureux que soi. Soutenons doucement les armes. Y'a toujours plus valeureux que soi. Un 3 déclassé. Range-toi, t'es dépassé. Tout le monde peut se demander où t'es passé. Pour tes quelques mots déplacés. Je sais plus ce que je fais, je vois plus le temps qui passe. Je suis plus que frais, il est temps qu'il casque. Toi qui spot, on dit dans le game, dans les grosses volées, quoi qu'il fasse, je sais plus ce que je fais, je vois plus le temps qui passe. Je suis plus que frais, il est temps qu'il casque. Toi qui spot, on dit dans le game, dans les grosses volées, quoi qu'il fasse, Les petits parles, j'y te veux une viton. Y'en a qui font les mecs, c'est des mythos. Fais gaffe, ça fait ton pote qu'à la surguidon. Pas le mec avec moi, tu n'es qu'un petit con. J'fais tellement de buzz qui veulent me détruire comme la coupe picon. Demande à Tico, plus rien à perdre que la rage qui cause. C'est plus l'homme mais les couilles qui parlent en crête, ça veut taffer ta gigote. C'est pas le bandit qu'on met ta daronne. J'suis venu dans le game, l'homme met la carotte. Pendant que les gens chez moi te braquent à l'op. Ils se croient dans calope, c'est pire qu'une tasse à l'homme. Tout le monde devient donc dingue, comprends pourquoi ça nous catalogue. Petit Vito, téléguidé, cap cabrosito, cap dans la cité. Depuis si ton toxico le sang chaud, si il faut, il peut te liquider. Je viens de me vider, gros, j'ai plein d'idées. Je dis si ça frère, on s'est quitté. Pourquoi quand je passe, tu me regardes comme un fils de lâche. Ça commence à faire trop longtemps que tu me mets la rage. Je me suis tellement retenu que j'arrive plus à rester sage. Dédicace pour mettre une salance qui lance des pactages. Je sais plus ce que je fais, je vois plus le temps qui passe. Je suis plus que frais, il est temps qu'il casque. Toi qui spot, on dit dans le game, dans le trans volé, quoi qu'il fasse, je sais plus ce que je fais, je vois plus le temps qui passe. Je suis plus que frais, il est temps qu'il casque. Toi qui spot, on dit dans le game, dans le trans volé, quoi qu'il fasse. J'suis en barre, barre, barre, barre les couilles, j'suis dans les manets, brum, brum, brum. J'suis en barre, barre, barre, barre les couilles, je la mets en i, vas-y zoom, zoom, zoom. Une voix me dit, mets les raccords, passe les rapports, mets les d'accord. Dis pas merci, non, dis encore, tu vas crever, mais eux d'abord. Faut pas pousser, ça tu le sais, t'as pas l'air frais, t'as pas l'air prêt. J'suis local life, tu es local like, t'as pas l'air retrait, t'as pas l'air vrai. À la tienne, à la mienne, à la sienne, à la chienne, patati patata, akuna matata. À la bien, à la chienne, à l'ancienne, à la chienne, toi ta team, tatata, akuna ratata. J'ai pris de l'avant, j'suis en sous-marin, j'suis la tempête sur ton catamaran. Laisse-moi dégueu. Pas tout le monde dans ma chambre. Pas tout le monde dans ma voix, je remercie le bon Dieu que je suis dans ma chambre. J'te oublie, j'me languis. Sans les grosses volées, car la suite, mais les tous en i. J'sais plus ce que j'fais, j'vois plus le temps qui passe. J'suis plus que frais, il est temps qu'il casque. Toi qui spot, on dit dans le game. Sans les grosses volées, quoi qu'il fasse, mais en i. Je sais plus ce que je fais, je vois plus le temps qui passe. Une grosse dédicace à l'ours. Une grosse dédicace à Chiquip Cartable. Une grosse dédicace à tout le quartier Saint-Jean la Pointe. Dédicace à tous les quartiers de France. On va tout péter cette année. Pogo, Pogo. Là, je rigole. C'est la crise au Mike Mec, Jules. C'est la crise au Mike Mec. Mêlé en I avec Laura Luciano qu'on salue. Luciano, on t'attend. Ouais. Avec grand plaisir. En tout cas, il est en forme. Hein. Quand on l'écoute sur les couplets, là, il est. Ouais, franchement, il m'a régalé, moi aussi. Ah, il a régalé plein de monde. À l'instant, donc, c'est Meleroy, extrait de l'album de Jul qui est numéro 1 des ventes. Album de Jul qu'on découvre tous les soirs entre 20 et 21. Avant de se quitter et puis se retrouver demain soir, on va faire tourner la roulette. Maintenant, c'est parti. Skyrock t'offre la nouvelle compil Urban Music non-stop, plus des chèques cadeaux de 80€. Salut Sana de Perrinchy, ça va bien Sana? Salut, ouais, ça va. En pleine et forme vous, ça va? Bah écoute, ça va, ça a l'air d'aller ici dans le studio, t'entends? Oh. Ouais, je suis trop contente là, en plus c'est à Jul. Eh oh, oui. Trop bien. Il t'entend Jul, il est là, il t'écoute. Bah un grand big up à Jul, il a sur grave. Ah merci, merci, ça on fait le plaisir. Ici. T'as aimé le live là? Ouais, grave, on a tous écouté, on est toutes là. Ah, merci. Du bruit là, les filles. C'est quoi, c'est en famille vous... C'est qui? T'es avec qui, Sana? Je suis avec mes sœurs. Avec les frangines, prête à faire tourner la roulette, on y va, c'est parti. On la lance et dès que tu veux, tu dis stop. Vous dites stop en même temps que moi. Ah, oh, vous étiez synchro, hein. Ah, oh, parfait, Sana. Sana? Urban Music Non-Stop, la compile de Skyrock, elle est pour toi et 80€ en bon d'achat qui arrive à la ah, maison. Merci, c'est trop pour bien, acheter ce que tu veux trop. Pour les fêtes qui arrivent, c'est pour toi. Ah, c'est super sympa, ben, je vous remercie beaucoup Skyrock, vous assurez grave. Est-ce que je pourrais faire une dédicace? On t'écoute, on t'écoute. Ben, je voudrais faire une dédicace à ma tante Yamina Taïtaï Instagram, à ma sœur Inès et à toutes mes copines du lycée Saint-Eudile-Lambertère. Merci et à toi. Et encore big up Jul. Ah merci, big et up bah, à te toi. Te fais aussi. Un bisou, passe une bonne soirée Sana. Ciao ciao. Merci, merci à toi Jul. Bonne soirée. Ouais, bonne soirée. Merci à toi. Demain on se retrouve juste avant 20h. Demain on se retrouve. Avant j'aimerais faire une dédicace. Vas-y. À mon manager que j'aime. Voilà, c'est grâce à lui que je suis là ce soir. Voilà, une grosse pensée pour lui. Voilà, c'est et ses proches dans ouais. le cœur et à tous ses proches. Voilà, une grosse dédicace à Tota, à G, à mon monstre, à Nordim, Bar Albert, à Christophe et Marc Ducoquet. Voilà, c'est la crise au Mike Make et le bar moderne, bien sûr. Et ben merci à toi, Jul. Merci à toute l'équipe. Merci à Abdel qui était là au platine ce merci soir. Merci Abdel. Ouais, merci. Un gros un maximum de bruit pour Abdel. Abdel qui est là, toujours en pleine forme. Et dédicace à Bim Bim. Tu reviens demain, Abdel. Ouais, comme d'hab. Et ben bah demain, le retour et le retour de Jul aussi, avec un son prévu. Demain, il va nous faire en live le son. Voilà, c'est ça. Avec un gros live de prévu. Donc, tout ça, rendez-vous juste avant 20h. Et là, c'est D-Full maintenant. Et oui. Et toute oui. l'équipe. Yes. Et toute ah bah, l'équipe aussi. La douce voix de Marie. Oui, oh, je te remercie, Fredo. Bonsoir, Fredo. J'avais une voix d'homme en me réveillant ce matin. J'ai rattrapé. En réveillant ce matin. Ah ouais, non, j'avais une voix, mais d'homme. En je me réveillant à 18h, c'est ça. Ouais, enfin. J'allais demander, il était quelle heure ce matin? 18h. Bonsoir. C'est ça, non, mais ça va, j'ai rattrapé ma voix. J'ai levé, c'était la crise au Mike. C'est la crise au Mike. C'est ça, exactement, Jul. Exactement, Jul a tout pigé. Bon, Jul, tu viens de nous voir demain, je crois. C'est demain que tu viens dans l'émission. Ah, vas-y, je viens demain. Demain, grosse cool. soirée. Yes. Voilà, grosse soirée. Demain, je viens avec vous. Ça démarre à 20h et ça se finit. Ça tombe bien, en plus, il y a le match PSG à commenter. Mon Dieu. PSG Barça. C'est la crise au mic demain soir. C'est la crise au PSG. On verra. On suivra le match en direct. Merci Jul pour Planète Rap. Merci Fredo. De rien, de rien. Le rendez-vous, c'est demain 20h, 21h dans Planète Rap. Et là, c'est parti. Il est 21h-8. Autrement dit, 20h52. C'est ça, exactement. On débarque tout de suite avec toute l'équipe qui est là. Vous pouvez nous appeler d'ailleurs dès maintenant. Hein, 01 53 40 30 20 si vous voulez passer dans l'émission. Le 41-759 pour nous laisser des messages. Le skyrock.fm, ça marche aussi. Vous faites péter tous les réseaux sociaux. Et tout de suite, Fredo, oui. Voici le petit blind test. Ah bah. Les doigts dans le nez, les doigts dans le nez. Le petit blind test. Oh bon, ça va être là pour toi, ça va être facile. Fredo ou Jul, tiens, qui trouve en premier? Attention. Black M. On se fait du mal. Black M, Black M. Allez. Ce morceau. Ouais, il est bien ce morceau. Bah, on va démarrer avec Black M tout de suite. On se fait du mal, extrait de la réédition de son album. Black M qui tourne dans toute la France avec Skyrock. Ouais, qui était là à Amiens, qui était à Paris la semaine dernière au Zénith. Il s'est fait deux Zéniths, celui d'Amiens, celui de Paris. C'est pas fini, hein. Il tourne dans tous les Zéniths, il tourne en France. Ouais, ils sont où ce soir? C'est pas vers Clermont-Ferrand ou je dis Black une Black connerie. M ce soir, je m'adresse au prince du hip-hop qui connaît toutes les dates par cœur, Romano. Évidemment. Où se trouve Black M ce soir? Bah, je crois qu'il est chez lui. Chez lui. Il est chez lui jusqu'au 13, là. Très bien. Et donc, on est le 9, donc dans 4 jours, il sera au Mans, au Forum au Mans. Au Mans. Au Mans. Voilà, continue. Voilà. La tournée dans toute la France avec Skyrock et Black M. C'est le son qu'on écoute tout de suite. Et la radio libre, c'est parti dans un instant avec toute l'équipe. Salut Jul. Ciao, demain. Ciao. Salut Fredo. Salut, ciao, salut. Et c'est parti. Radio libre en direct. Tous les matins sur Skyrock.